Bonjour frères et sœurs, nous voilà arrivés au cinquième message de la série. Je parlerai donc d'apostasie et de réprobation. Un apostat, c'est une personne qui a déjà été croyante. Un non-croyant ne peut pas apostasier. Pour apostasier de la foi, il faut avoir eu la foi. Certains, après avoir été chrétiens pendant longtemps, se retournent et deviennent des ennemis de Christ. Ce sont les apostats et les antéchrists dont l'apôtre Jean a parlé. Aujourd'hui, on préfère dire que ces personnes n'ont jamais été de vrais chrétiens. Mais moi, je ne vais pas dans ce sens-là. L'Écriture dit qu'ils ont été de vrais chrétiens. Je ne vais pas me mettre la tête dans le sable là, et me mettre à tordre les passages de l'Écriture qui en parlent. Alors, ces passages-là, je les accepte comme ils sont écrits. Je les accepte pour ce qu'ils disent et c'est tout. Tordre le sens des Écritures n'est pas une solution. L'Épître aux Hébreux a été écrite pour fortifier les chrétiens juifs qui vivaient de graves persécutions de la part de leurs compatriotes et pour les exhorter à ne pas apostasier. Il y a plusieurs niveaux d'apostasie ou de reniement, si vous préférez. Durant les persécutions romaines des trois premiers siècles, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de chrétiens qui ont apostasié pour échapper à la torture et à la mort. Certains ont renié leur foi par peur, comme Pierre, et qui sont revenus à l'Église après les persécutions. D'autres ont apostasié à un niveau beaucoup plus grave. Ils ont même blasphémé le nom de Christ et ne sont jamais revenus demander pardon à l'Église. Leur abandon de la foi fut très réel. Alors, après les persécutions, l'Église se demandait ce qu'il fallait faire de ceux qui avaient renié leur foi en Christ. Fallait-il leur pardonner et les reprendre au sein de l'Église ou non? Finalement, les patriarches de l'Église de l'époque, invoquant l'exemple de Pierre, ont décidé de pardonner à ceux qui se repentaient. Certains, comme Tertullien, par exemple, en ont été tellement indignés de cette miséricorde qu'ils se sont séparés de l'Église pour fonder leur secte. Voilà où mène le manque d'amour et de miséricorde. Quand on est légaliste, on se sent très mal en milieu miséricordieux. Il y a une différence entre apostasier de la bouche et apostasier du cœur. Je crois qu'il est préférable de faire ce que la Bible nous dit de faire, c'est-à-dire de nous exhorter les uns les autres, chaque jour et sans cesse. Hébreux 3, 12, 13 le dit. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, les chrétiens, n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous, les chrétiens, ne s'endurcisse par la séduction du péché. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adressait bel et bien à de vrais chrétiens. À quoi bon exhorter les chrétiens de ne pas apostasier si apostasier leur était impossible? Soyons logiques et acceptons l'Écriture pour ce qu'elle dit. Ne déformons pas les Écritures pour les faire aller dans le sens de nos doctrines, mais corrigeons nos convictions pour les faire aller dans le sens des Écritures. Car Dieu n'aime pas ceux qui tordent sa parole. Ils seront appelés les plus petits dans le royaume de Dieu, et s'ils y entrent. La véritable apostasie est une abjuration, un renoncement, un abandon, une renonciation, un désaveu. C'est une déconversion, une conversion contre le Christ, un rangement du côté de ses ennemis. Nous allons utiliser le dictionnaire maintenant pour définir chacun de ces mots. Apostasier veut dire abjurer, renier, violer, renoncer, abandonner, quitter. Donc, abjurer, c'est renoncer à ce que l'on faisait profession de croire ou d'aimer. Renier, personne qui désavoue ses propres convictions. Ne plus reconnaître comme sien. Renoncer entièrement à une conversion qui blasphème ce qu'elle a cru. Voilà ce qu'est le reniement. Violer. Ne plus respecter le caractère sacré de quelque chose. Violer la grâce. Se faire partisan de ceux qui ont crucifié le Christ. Renoncer. Renoncer à sa foi, ne plus se faire le défenseur de ce que l'on a cru. Abandonner. Abandonner son droit à quelque chose. Abandonner volontairement ce que l'on a. Abandonner son droit à un héritage. Cesser volontairement de poursuivre un effort. Ne plus reconnaître. Exclure de sa vie et de son amour. abandonner par répugnance, résilier un contrat. Alors, dans notre contexte chrétien, cela signifie cesser d'être attaché au Christ, sortir de Christ qui a dit « demeurez en moi ». Alors oui, il faut avoir été un vrai croyant pour apostasier. Laissez-moi maintenant vous donner le témoignage tristement célèbre d'un empereur romain qui a été élevé dans la foi chrétienne et qui a apostasié. L'histoire se souvient de lui sous le nom de Julien l'Apostat. Je cite ici un manuel d'histoire de l'Église, écoutez bien. Au IVe siècle, lorsque la balance aura déjà penché en faveur de la croix, Julien l'Apostat tentera désespérément de rassembler toutes les énergies et tous les cultes pour faire face à l'unique adversaire. C'est ce dont l'Apocalypse parle quand elle dit que l'une des têtes de la bête recevra un coup mortel et revivra ensuite et que le monde sera étonné. C'est ce que Julien a essayé de faire. Quand le christianisme est devenu vraiment la religion dominante de l'Empire, Julien, quand il est devenu empereur, a essayé de ressusciter tous les cultes païens qui avaient été abandonnés et de former un gigantesque adversaire contre le christianisme. Reste à comprendre le retournement psychologique qui amena ce jeune prince chrétien à quitter l'Église et à s'en faire l'ennemi. Une abjuration et une conversion sont des phénomènes de même nature dont le mécanisme n'est jamais compréhensible vu de l'extérieur, ce que Dieu seul peut juger. Ce baptisé fut infidèle à son baptême. Neveu de Constantin, Julien est né en 331. Chrétien de naissance. Il était un enfant de chrétien. Ce jeune homme de 24 ans se révèle un César émérite. En 361, il assiste à Paris le 6 janvier à la fête de l'Épiphanie, mais dans son cœur, il n'est déjà plus chrétien. Il est même déjà initié au mystère de Mitra, un culte idolâtrique de l'époque. Comment s'était fait ce retournement? C'est au seuil de l'adolescence, au cours de ces obscurs débats où les jeunes cherchent leur route, que Julien avait cessé d'être croyant. Le malheur de Julien fut de n'avoir près de lui aucun vrai prêtre qui sût le comprendre et le guider dans la vérité qui est amour. Cet adolescent de vie secrète ne vit là qu'un moyen de retrouver sa liberté intérieure. Un philosophe néo-platonicien nommé Maxime fit le reste. Examinant ce qui avait été la foi décevante de son enfance, Julien, à 20 ans, s'en débarrassa comme d'une matière morte. Une citation de lui dit « J'ai lu, j'ai compris et j'ai refusé ». Saint Grégoire de Nazianze, qui l'a connu, parle de son exaltation d'une ardeur presque maladive qu'il observait dans son comportement. À 16 ans, il avait voulu se faire prêtre. L'arrivée au trône de Julien fut donc marquée par le retour offensif du paganisme. Durant son voyage vers Constantinople, les temples d'idoles se rouvraient à nouveau. Un membre de l'Église qui apostasiait était récompensé sur le champ. L'évêque Arétuse, celui-là même qui en 327 avait sauvé Julien du massacre, fut torturé à mort. Des prêtres et de simples fidèles furent exécutés. Julien se mit à écrire des livres violents contre les chrétiens. « Les chrétiens sont des traîtres, disait-il, leurs dogmes des mensonges, les récits de la Bible des absurdités. Le Christ n'a été qu'un homme, une sorte d'anarchiste dont les principes ruineraient la société. Saint Paul est un imposteur, les martyrs sont des maniaques, les moines des dégoûtants. » Durant un combat, Julien se jette au secours de son arrière-garde si vite qu'il oublie d'endosser sa cuirasse. Un javelot s'enfonce dans son foie. Il essaie en vain d'arracher le trait dont le fer lui coupe les doigts. Il tombe à terre et emporté sous sa tente. Il meurt dans la nuit. Cette mort parut si nettement providentielle que le bruit ne tarda pas à se répandre. Au moment de rendre l'âme, l'apostat s'était écrié « Tu as vaincu, Galiléen !» Ce christianisme qu'un jour de colère Julien s'était juré d'extirper sortait intact de l'ultime épreuve. Il échoua parce qu'il avait la volonté de Dieu contre lui. Fin de citation. Alors, retourner en arrière, hein, quand on a connu le Seigneur, n'apporte jamais rien de bon. Le père Jean-Nicolas Gros a écrit « Dieu n'abandonne jamais le premier, un cœur dont il a pris possession. Il ne se retire qu'à regret. Il faut que le cœur le chasse. » Et c'est ce que les apostats font. Je vais vous parler maintenant de la réprobation, qui est un peu différente. 2 Corinthiens 13, 2 et 6. « Je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez eux, je n'userai d'aucun ménagement. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi et prouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. » Les synonymes du mot réprouvé sont damné, déchu, maudit et rejeté. La réprobation de l'esprit, c'est le châtiment d'aveuglement que Dieu envoie contre ceux qui ont trahi la lumière. Ce sont des gens qui changent le bien en mal et le mal en bien. 1 Timothée 1, 18, 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul exhorte Timothée à combattre pour garder la foi, de peur de finir comme Hyménée et Alexandre. Paul exhorte Timothée à combattre pour garder la foi et sa bonne conscience, c'est-à-dire la capacité de faire la différence entre le bien et le mal, de peur de finir comme Hyménée et Alexandre. Pourquoi Paul exhorterait Timothée de cette façon s'il n'était pas possible pour lui de terminer comme eux, comme ces deux moineaux-là? 2 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Il y a de mauvais esprits dont la seule occupation là est d'étudier la Bible et de trouver tous les passages qu'ils peuvent tordre et les inspirer ensuite à ceux qui sont en poste d'autorité, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, encore une fois, ce qui décrit une conscience qui ne peut plus faire la différence entre le bien et le mal. C'est la réprobation. Le mot « flétrissure » a été traduit du mot grec « kosteriazo », qui veut dire « cautérisé », ce qui veut dire « dont la conscience est devenue insensible par la répétition du péché ». Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Paul est en train de prophétiser ici. Cette prophétie n'a pas été longue à s'accomplir. En effet, au tout début du 3e siècle, Tertullien s'amène, il est considéré comme le plus grand théologien chrétien de son temps. C'est également un polémiste qui lutte activement contre les cultes païens et contre le gnosticisme de Marcion. Malheureusement, il rejoint le mouvement hérétique montaniste à la fin de sa vie. Il se sépare de l'Église et il fonde sa propre secte. Il prêche le retour imminent du Seigneur à tel point qu'il enseigne donc à ses fidèles de ne même pas se marier et de s'adonner à des pénitences sévères, jeûner et ne jamais manger de viande, entre autres choses semblables. Alors, la prophétie de Paul s'est accomplie à la lettre. Un autre passage qui parle des réprouvés se trouve en Jude 4 et 12. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Une autre traduction a rendu « qui abusent de la grâce de notre Dieu et en font une licence pour leur vie immorale. » Une autre traduction « ils abusent de la grâce et en font une opportunité pour leur immoralité. » Jude 12, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Pour renier le Seigneur, eh bien, il faut l'avoir connu. On ne peut pas renier quelqu'un que l'on ne connaît pas. Alors, il faut avoir été un vrai chrétien. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts. Dans le contexte de sa lettre, là, Jude parlait de ceux qui avaient été croyants et qui infiltraient maintenant les églises pour les influencer à mal. Que veut dire le terme « deux fois mort » selon vous? Il signifie qu'ils étaient morts quand ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils sont nés de nouveau en rencontrant le Seigneur et ils sont morts de nouveau en retournant dans leur péché. Beaucoup de croyants ne comprennent pas comment on peut avoir connu le Seigneur et finir aussi mal. Pour tous ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, c'est impensable et inimaginable. Malheureusement, ça arrive à tous les jours dans les églises. Il suffit d'ouvrir les yeux un peu. À peu près chaque église en a dans son historique de tristes exemples. En 41 ans de vie chrétienne, j'ai connu personnellement bon nombre de chrétiens authentiquement sauvés, changés et qui ont amené des gens au Seigneur et qui sont réprouvés aujourd'hui. J'en ai connu un qu'à tous les samedis soirs, il écoutait des films pornographiques et venait ensuite à l'église le lendemain matin comme si de rien n'était. Quand les frères lui en faisaient le reproche, il faisait des blagues et trouvait ça drôle. Il avait été un leader dans l'église, un ancien. Il avait été très fort dans le Seigneur. C'est ce qu'on appelle avoir l'âme réprouvée, une âme à la conscience cautérisée, qui ne fait plus de différence entre le bien et le mal, qui se rit du mal et qui se rit du bien. Il y en a des tas de ces gens-là dans nos églises. Je m'étonne comme vous, moi-là, que ces personnes qui portaient de si nombreux et si évidents fruits de salut ont pu un jour perdre leur amour pour Jésus et voir leur conscience se tordre comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ces choses arrivent, mais elles arrivent. Les apostats, eux, quittent l'Église. Le réprouvé y demeure pour séduire, diviser, enseigner des faussetés nuisibles et profiter du peuple de Dieu. 2 Pierre 2, 1, 3. Comme il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Une autre traduction a rendu introduisant de damnables hérésies. Une autre traduction des hérésies destructives. Une autre, ils importeront des hérésies désastreuses. Une autre, ils introduiront secrètement de ruinantes divisions. Les gens réprouvés se mettent toujours à enseigner de fausses doctrines. Et le verset continue, « Et qui, reniant le maître qui les a rachetés ?» Une autre traduction, « Désavouant même le maître. » Il est clairement dit ici que ces faux docteurs ont jadis été de vrais chrétiens parmi les autres, puisqu'il est dit qu'ils ont été rachetés par le Seigneur. Ils ont même occupé un ministère dans l'Église. Jadis serviteurs de Dieu, ils en sont venus à le renier. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. Pierre parle ici du terrible jugement qui s'abattra sur leur tête quand le Seigneur reviendra juger son Église. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, au moyen de versets bibliques tordus. Pierre prophétise la fausse doctrine de la prospérité. Une autre traduction de ce texte a été rendue « Motivés par la cupidité, ils vous exploiteront avec des arguments contrefaits. » Une autre, « Ils feront de vous une source de profit par leur doctrine fabriquée. » Une autre, « Dans leur avidité, ils vous exploiteront avec de fins arguments. » Une autre, « Par amour de l'argent, ils miseront sur votre crédulité avec des arguments de bêtise à l'état pur. » En voulez-vous une bêtise à l'état pur? Donne 10 $ à Dieu et il vous en redonnera 100. La semence et la récolte, semez 100 $ et le Seigneur vous en fera récolter 1000. En voilà des arguments de bêtise à l'état pur, des arguments contrefaits, des paroles trompeuses. Est-ce que votre pasteur s'est enrichi avec son ministère? Ben, c'est de lui dont parle Pierre ici. 1 Timothée 6,9. Ceux qui veulent s'enrichir se plongeront dans la ruine et la perdition. 2 Thessaloniciens 1,9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, car on ne peut pas en même temps servir Dieu et Mammon. Les pasteurs qui se sont mis riches avec l'argent de leur assemblée sont en route pour l'enfer et ne le savent pas. Hébreux 6, 7-8. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Ceux qui viennent au Seigneur avec un cœur faux, finissent toujours très mal. Il faut recevoir l'Évangile avec un cœur honnête et bon, nous dit Jésus en Luc 8:15. Une autre traduction a rendu « un cœur bon et vrai ». Une autre traduction « un cœur bon et bien disposé ». Une autre traduction « dans la bonté de leur cœur ». Une autre « avec un esprit droit ». C'est comme ça qu'on reçoit l'Évangile. C'est ce que Paul appelle ailleurs « avoir l'amour de la vérité pour être sauvé ». Remettons-nous en question, frères et sœurs, sommes-nous devenus de meilleurs hommes et de meilleures femmes depuis que nous avons reçu la grâce de Dieu? Ou sommes-nous maintenant devenus méchants et pires qu'avant? Est-ce que nous avançons dans la vertu et les fruits de l'Esprit, ou nous endurcissons-nous dans nos péchés? Si vous avez besoin d'une reconversion, d'une deuxième confession générale, ne tardez pas à le faire. Revenez au Seigneur avec un cœur nouveau, un cœur pur, et recommencez votre vie chrétienne en bâtissant sur le roc de l'honnêteté, de l'amour de la vérité, et avec un cœur bon et droit. De peur que si vous persévérez dans votre mauvais chemin, Dieu finisse par vous châtier par un esprit réprouvé. Et quand ce jugement tombe sur la tête de quelqu'un, il est irréversible. Une personne réprouvée ne revient jamais au Seigneur. Il est tombé sous un jugement éternel. 2 Timothée 2, 16-18 Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Quand la foi chancelle, eh bien l'âme se paganise. Et leur parole rongera comme la gangrène. Comme la gangrène donne la mort à un membre et s'étend pour donner la mort à d'autres membres, ainsi sont les doctrines pernicieuses. Elles rongent le corps de Christ. Les membres atteints par la gangrène doivent être amputés pour empêcher que cette gangrène ne s'étende à d'autres membres. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà passée et qui renversent la foi de quelques-uns. Un chrétien qui n'a plus d'espérance est un chrétien qui sombre dans la désespérance. Dans ma vie, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver devant des croyants qui ridiculisaient la douceur et la bonté, qui ridiculisaient les fruits de l'esprit. Là, je me suis demandé si je n'étais pas devant des gens ayant l'esprit réprouvé. Au lieu d'être doux et humbles de cœur comme le Seigneur, ils étaient durs et orgueilleux comme le diable. La réprobation est plus qu'un naufrage de la foi, mais c'est un naufrage vers les opposés de la foi. Ne les imitez pas, mais éloignez-vous d'eux, et surtout, éloignez les jeunes chrétiens de ces gens-là. Le chrétien réprouvé est une personne à qui les esprits mauvais ont réussi à lui prouver que ce qui est bien est mal et que ce qui est mal est bien. Ils prennent leur orgueil pour de l'autorité spirituelle et ils donnent un autre nom à tous leurs péchés comme ça. Ils se persuadent eux-mêmes qu'ils n'ont aucun péché, qu'ils n'ont aucun défaut, alors qu'ils se comportent comme de vrais brutes envers tout le monde. L'apôtre Jean a bien prophétisé sur eux en disant « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » 1 Jean 1:8 Une autre traduction a rendu « Celui qui se déclare sans péché se ment à lui-même. » Alors Jean ici décrit ce que c'est qu'un esprit réprouvé. 1 Jean 2:9 Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres, au sens qu'il y est retourné. Si le cœur n'a pas été converti, les amis, rien n'a été converti. Ils sont dans l'Église, ils lisent la même Bible que nous, mais rien ne les change. Ils sont vaccinés contre tout ce qu'ils lisent et ce qu'ils entendent, et ils sont imperméables à toutes les corrections. 1 Jean 2:11 Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il ne sait pas, autrement dit, qu'il va en enfer. Non seulement la haine, mais encore l'absence d'amour. L'absence d'amour entraîne toujours avec lui, dans les mêmes proportions, un obscurcissement de l'esprit et du discernement. Le manque d'amour est un très mauvais professeur de théologie. Celui qui a peu d'amour a peu de sagesse. Le manque d'amour est la source de toutes les erreurs de jugement, de tous les égarements personnels et de toutes les interprétations tordues de la Bible. D'où vient que celui qui a jadis porté le nom de frère et qui le porte encore se retrouve soudainement dans les ténèbres? Au lieu que dans le passé il s'était converti en passant des ténèbres à la lumière, voilà qu'il est repassé de la lumière aux ténèbres. La réponse se trouve dans l'orgueil. Saint Grégoire a écrit « L'orgueil est le signe le plus évident de la réprobation ». Le chrétien réprouvé ne quitte pas l'Église. Il y demeure pour provoquer toutes sortes de troubles, de blessures, de disputes et de divisions. L'esprit de réprobation se reconnaît à son caractère. Le réprouvé est orgueilleux, rebelle, arrogant, moqueur, endurci, fourbe, dur, insensible, blessant, prétentieux, insolent et méprise l'autorité. Examinons ces termes un à un en utilisant le dictionnaire. Vous savez, le dictionnaire est presque aussi édifiant que la Bible quelquefois, hein? N'hésitez pas à aller voir dans le dictionnaire la définition des mots que vous lisez dans la Bible, même si vous croyez que vous connaissez la définition de ces mots-là. Vous savez, le dictionnaire nous donne des définitions très profondes et très élaborées des mots. Et personne d'entre nous ne connaît toute la profondeur qui se trouve dans les mots que nous pensons connaître. OK, orgueilleux, excessivement satisfait de soi, dédaigneux, sans pitié, se caractérise par un désir de puissance et de domination. Rebelle, qui se révolte contre l'autorité du gouvernement légitime, qui ne répond pas à l'amour. Arrogant, s'attribuer quelque chose sans y avoir droit, s'arroger un pouvoir, un titre. Moqueur, enclin, porté à la moquerie, à la raillerie, insultant, ironique, malicieux, mordant. Endurci maintenant, devenir dur ou plus dur, moins humain dans ses sentiments, dans son comportement. Inaccessible à des sentiments humains tels la sympathie, l'empathie, la bienveillance, la bonté, la tendresse, la douceur, la piété. Fourbe, qui emploie des ruses perfides, odieuses pour tromper autrui, souvent en vue de servir ses propres intérêts. Synonyme, être perfide. Être dur maintenant, qui a la parole aiguë, qui blesse l'oreille et le cœur, parole dénuée de grâce, froideur, rudesse, qui manque de grâce, de douceur, qui affecte péniblement, douloureusement une personne, qui impose une contrainte, qui fait souffrir, physiquement ou moralement, rendre quelqu'un malheureux, le malmener, le tourmenter, qui ne s'émeut pas, ne s'attendrit pas facilement, qui est ou se montre sans bonté, sans bienveillance ou sans douceur, traduit un manque de cœur, qui est sévère dans la critique. Reconnaissez-vous des gens comme ça dans votre Église? Il y en a à peu près dans chaque Église. Ce sont des gens réprouvés, qui ne sont pas nos frères, qui ne le sont plus en tout cas. Insensible, incapable d'émotion, de sentiment, de sympathie, rester indifférent, ne pas se laisser convaincre, indifférent à l'amour. Prétentieux maintenant, qui s'estime supérieur, qui cherche à se faire valoir, semble exprimer une vanité déplacée. Insolent maintenant, dont le manque de respect est offensant, injurieux, irrespectueux, impoli, grossier, qui blesse, qui équivaut à une provocation. Méprisant maintenant, sentiment par lequel on juge une personne indigne d'estime, d'intérêt, montrer du dédain. Alors, si votre pasteur montre ses défauts de caractère, eh bien, c'est que vous n'êtes pas conduit par un homme de Dieu, mais par un démon. Et si vous avez des gens comme ça dans votre assemblée, eh bien, vous avez affaire à des gens réprouvés, à des parasites d'Église, dont la seule mission est de jeter le trouble et de blesser les frères et les sœurs. Ces gens font tous partie de la catégorie de ceux qui ont commis le péché qui mène à la mort, et pour lesquels il est inutile de prier. De toute façon, ils ne seront jamais sauvés. Ils font partie de ceux à qui le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Concernant cette parole, il ne veut pas dire nécessairement que ces personnes n'ont jamais été de vrais chrétiens ou n'ont jamais connu le Seigneur. Mais elle veut dire que le jour où elles ont fait entrer ce péché dans leur vie, leur nom a été effacé du livre de vie, ce qui équivaut à ne jamais avoir été connu par le Seigneur. Psaume 101, 4 dit « Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne connaîtrai pas le méchant. où je ne reconnaîtrai pas le méchant. Les réprouvés changent le bien en mal et le mal en bien. L'aveuglement est un châtiment de Dieu. La réprobation provoque la justice de Dieu. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, dit l'Écriture. Une autre traduction a rendu un état d'insensibilité spirituelle. En conclusion, frères et sœurs, l'évangile de l'hypergrâce là, est un évangile de réprouvés. Selon qu'il est écrit en Jude 4, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. » Une autre traduction a rendu « qui abusent de la grâce de notre Dieu et en font une licence pour leur vie immorale. » C'est ce que la doctrine « sauvée, toujours sauvée » enseigne, que l'on peut retourner dans nos péchés et que jamais nous perdrons notre salut. C'est une doctrine de réprouvés. La dissolution, c'est la désagrégation des principes moraux, la dissolution des mœurs, dépravation, dérèglement, débauche, immoralité, impudicité. Ce qui fait notre salut, frères et sœurs, c'est notre volonté à rester dans le sentier de Dieu, le sentier étroit, et dont beaucoup s'écartent à cause de cette pernicieuse compréhension du salut par la foi seule également. L'évangile de l'hypergrâce est l'évangile le plus apostat qui soit. Il envoie des milliers d'âmes en enfer. Ils veulent un évangile facile. Plusieurs chrétiens veulent un évangile facile, un évangile qui ne les oblige pas à persévérer, un évangile qui ne les oblige pas à l'obéissance, un évangile sans croix, sans sainteté, ni rien de semblable. Mes frères et sœurs, un salut à ne rien faire n'existe pas dans la Bible. Selon la Bible, garder la foi demande des efforts. C'est un combat. Les chrétiens du premier siècle, qui avaient déjà accepté le Christ, ont reçu ce conseil. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2:12. Pourquoi trembler si le salut ne se perd pas? Le cœur tiède qui marche un pied dans l'Église et un pied dans le monde ne tremble pas. Celui qui n'a aucune crainte de vivre dans ses péchés est un insensé et les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Proverbe 1:32, car la sécurité des insensés les perd. Je termine avec ce beau verset, Proverbe 28:14, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen.